père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Nicole Ferroni et je vais vous raconter l'histoire de la petite patate qui voulait devenir un chien féroce. Une fois, une petite patate qui habitait dans un champ de Picardie, après qu'un paysan y ait enterré sa grand-mère auparavant. Alors, quand je dis sa grand-mère, je ne parle pas de la grand-mère du paysan, évidemment, non, car on n'enterre pas des grand-mères qui n'auraient rien demandé. Non, je parle de la grand-mère de la patate. Oui, notre petite patate était là, dans ce champ de Picardie, parce que sa grand-mère patate y avait été plantée. Parce que je ne sais pas si vous savez comment poussent et se multiplient les patates, mais en fait, c'est assez rigolo. En fait, quand on plante une patate sous terre, cette patate donne une plante, cette plante grandit, et quand la plante est grande, elle forme à ses pieds sous terre d'autres patates, qui chacune pourront donner d'autres plantes, qui donneront d'autres patates, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que notre patate se trouvait là, car un paysan avait enterré grand-mère patate, qui avait donné des filles et des petites filles patates. Bon, c'est clair ou pas? Oui, hein, on va dire que oui. Allez, on continue. Un jour, alors que notre petite patate n'était plus si petite que ça, le paysan vint dans le champ pour la récolter, elle et ses sœurs. Il retourne donc la terre, les ramasse une à une, les charge dans sa brouette, les dépose dans une cagette et les emporte ensuite dans sa ferme pour les nettoyer. Car oui, les patates, quand elles sont ramassées, sont encore pleines de terre. Donc avant de les vendre ou de les manger, on les nettoie. Et c'est ce que fait notre paysan. Donc, le paysan s'assoit dans son débarras, il a la cagette pleine de patates sales ou de sales patates à sa droite, un chiffon dans la main gauche, et une à une, il prend les patates et les essuie. Et une fois nettoyées, il les dépose à ses pieds dans un panier. Et alors que c'est au tour de notre patate d'être époussetée, le paysan la saisit, lui enlève la terre qui la recouvre, lui débarrasse ainsi les yeux, donc le regard de toute poussière, et là... Que voit notre patate depuis le panier dans lequel elle vient d'être déposée? Oui, quelle chose incroyable se trouve devant elle au pied du paysan? Eh bien, je vous le dis, un chien! Oui, un énorme chien qui se tient là à quelques mètres. Un chien si grand, si fort, si poilu, que notre patate en est toute impressionnée. Et encore, elle n'a rien vu, car pile au moment où elle regarde si épatée, enfin si épatatée, puisque c'est une patate, voilà que le chien bondit et se met à aboyer. Oui, car persuadé d'avoir entendu un passant qui passe, le chien se dresse sur ses trois pattes. Oui, parce qu'il n'a que trois pattes, c'est d'ailleurs pour ça que le paysan l'a adopté, il avait eu pitié. Le chien aboie de toutes ses forces en direction de la rue. Et le paysan aboie à son tour derrière le chien. Brutus, chut, mais Brutus, arrête, mais du calme, Brutus, allez au pied. Brutus, oui, au pied, bon chien, oui, bon chien, Brutus. Et même s'il le gronde un peu, le paysan a raison de dire de Brutus qu'il est un bon chien. D'abord parce que Brutus garde bien la maison, et puis aussi parce que Brutus est un chien vraiment bon, dans le sens qu'il a un bon cœur. Et d'ailleurs, heureusement que les passants ne s'arrêtent pas plus longtemps, car ils auraient tous vu la supercherie. Oui, même si Brutus a l'air méchant, en réalité, il est très gentil. Mais chut, ça, c'est un secret. Bref, passé cette petite séance d'aboiement et après avoir reçu de son maître un peu de reproches, mais aussi beaucoup de caresses sur la tête, Brutus le chien se recouche au pied du paysan. Et désormais, la petite patate qui l'observe connaît son nom. Brutus. Oh oui, Brutus, le chien à trois pattes qui est fort comme s'il en avait quatre. Oui, Brutus, ce chien si grand alors qu'elle est petite. Lui si fort alors qu'elle est fragile. Lui si beau alors qu'elle est si patate, quoi. Et puis lui, il a un museau et des dents quand elle n'a pas de bouche et il a une grosse voix quand elle cherche la sienne. Oui. Parce que Brutus le chien était tout ce que la patate n'était pas et tout ce qu'elle aurait pourtant aimé être, notre petite patate se mit en tête de devenir elle aussi un chien féroce. Alors, je sais, vous allez me dire, mais c'est-à-dire, elle s'est mise en tête, la patate, parce que ça a une tête, les patates? Oui, bah, alors, écoutez, en fait, pour être honnête, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. En tout cas, celle-là devait en avoir une, puisque justement, elle avait dans sa tête un plan. Oui, dans sa tête de patate, elle avait élaboré, imaginé, une stratégie pour devenir, elle aussi, un jour, un chien féroce à son tour. Elle se disait notamment que le meilleur moyen de devenir un chien féroce, c'était déjà de savoir précisément pourquoi ou comment Brutus en était un. Pour cela, elle se disait donc que le meilleur moyen d'avoir une idée précise, ce serait d'aller observer Brutus de plus près. Oui, voir comment étaient ses poils, ses dents, son museau, ses muscles puissants. Mais elle savait aussi que s'approcher de Brutus en plein jour serait beaucoup trop risqué. Elle pourrait être vue soit par Brutus, soit par le paysan. Paysan qui aurait été du coup drôlement étonné de voir une patate rouler toute seule devant lui. Aussi, elle décida donc d'attendre la nuit pour mettre en œuvre son projet d'espionnage de chien féroce. Ainsi, patiemment, notre patate attend que le soleil se couche, que le paysan se couche, puis que Brutus se couche, enfin bref, que tout le monde se couche pour se mettre en route. Et, très silencieusement, la patate se met à se balancer. À la une, à la deux, à la trois, whoop, elle sort du panier. Elle roule au sol et arrive ainsi à deux pas, enfin à deux pas de patate, donc à deux pas patate, de la truffe du gros chien. Elle le regarde de plus près et enregistre dans sa tête tout ce qu'elle voit. Bon, des poils à museau, mais aussi des babines pendantes, des sourcils fournis, une truffe froide, mais surtout quelque chose d'encore plus étonnant, à savoir la chaleur de son corps. Oui, contrairement aux patates, Brutus le chien a, comme la plupart des animaux, un corps qui est tout chaud. Et notre patate se demande si ce n'est pas de ce feu intérieur que Brutus tire toute sa puissance. Alors, elle roule entre ses pattes pour le savoir. Et elle atterrit dans le cou tout chaud du chien. Où la patate se sent maintenant si bien et si fatiguée d'avoir veillé si tard qu'elle s'endort dans les bras et la chaleur de Brutus. Et elle y dort vraiment, mais tellement bien, mais tellement super bien, qu'elle ne voit pas du tout le temps passer. Elle ne voit pas notamment qu'après de longues heures de sommeil, le ciel s'éclaircit dangereusement. Comme pour lui dire « Attention, petite patate, je crois que le soleil se lève et tu vas être démasquée. » Et ce n'est que justement quand un rayon de soleil finit par lui taper dans l'œil et la réveille que sapristi, elle se rend compte de la situation. Elle s'écrie « Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut que je m'en aille, je vais me faire choper !» Et donc vite, la patate bondit, saute, s'élance, mais ne faisant pas gaffe, bute contre la gamelle du chien. Le chien se réveille, il la prend dans sa gueule et lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond je suis une patate qui veut devenir un chien féroce. Alors, je ne sais pas si vous prenez des stagiaires, mais si vous voulez, je peux vous laisser une lettre de motivation au cas où vous organisez pour les patates des formations pour devenir chien féroce. Et Brutus de répliquer, quoi ? Des formations pour devenir un chien féroce ? Pour toi, petite patate ? Une patate qui veut devenir un chien féroce. Oh là là. Et croyant qu'il se moque d'elle, notre petite patate se met à pleurer. Et parce que les larmes coulent sur sa peau ensoleillée, ses tout petits bourgeons se mettent à germer. Mais le chien, lui, rigole encore. Et la patate lui dit « Franchement, c'est pas gentil de se moquer. » Mais Brutus réplique « Mais je me moque pas, la patate. Je ris car tu es une patate qui veut devenir chien, alors que moi qui suis chien, figure-toi que j'ai toujours rêvé d'être une patate. C'est fou, ça, non ?» La patate dit « Quoi ? Vous voulez être une patate ? Mais monsieur le chien, ça n'a aucun intérêt d'être une patate. Regardez comme je ne suis rien. » Et le chien de dire « Mais tu rigoles. En toi, tout est incroyable, patate. Ne serait-ce que tes bourgeons. Regarde-moi. Moi, je n'ai que trois pattes, mais ma quatrième ne repoussera jamais. Alors que toi, avec tes bourgeons, tu peux te faire pousser des bras, enfin des branches, des feuilles à l'infini. Si l'une tombe, l'autre repousse. Quand moi, je resterai toujours à trois pattes. Et puis moi, si je n'ai rien dans ma gamelle, pas de croquettes, pas de viande, je meurs. Alors que toi, avec du soleil, de l'eau, de l'air au contact de la terre, ça te suffit. Et puis moi, qui suis un chien seul, si tu me laisses ainsi, je resterai toujours tout seul. Alors que toi, pour fonder une famille, tu n'as pas besoin ni de renifler le derrière d'une patate, ni de te trouver un semblable, puisque tu as en toi le pouvoir de te créer toute ta future famille, à toi toute seule. Non, je t'assure vraiment, patate, tu es tellement incroyable que moi, chien, j'aimerais être toi. Oh là là, la patate ne s'attendait pas à ça. De découvrir qu'elle était si incroyable. Elle remercia donc chaleureusement Brutus de cet enseignement. Et c'est ainsi que la petite patate qui voulait devenir chien féroce retourna vite dans la cagette avec ses sœurs pour leur raconter plutôt l'histoire du chien féroce qui voulait devenir petite patate. Et voilà, l'histoire est finie. Alors maintenant, au lit, les petites patates.